et y périt au milieu des plus cruelles douleurs. Chéou Hang, fatigué par les cris continuels des petits d'une hirondelle, leur donna à manger une mauvaise herbe appelée Tsili. Dans la suite, il eut plusieurs fils qui naquirent muets. On voit, par ces deux derniers exemples, quels châtiments sont réservés à ceux qui se montrent cruels envers les animaux. Nuire secrètement aux hommes vertueux. Commentaire. L'homme vertueux est respecté des hommes et protégé par le ciel. Celui qui lui nuit en secret commet une action plus cruelle que s'il lui lançait une flèche dans l'ombre. Kohang Tse disait, celui qui fait le mal au grand jour doit être puni par les hommes, celui qui fait le mal en secret doit être puni par les démons. Histoire. Lilinfu nuisait en secret aux autres hommes. Toutes les fois qu'il haïssait quelqu'un, il l'enveloppait dans une fausse accusation et le faisait mourir. Il fit construire une maison qu'il appelait Yanyuaitan. Tous les jours, il s'enfermait dans cette maison pour imaginer quelques moyens de nuire aux autres hommes. Quand il avait trouvé quelques stratagèmes utiles à son dessein, il en était ravi de joie et sortait promptement pour le mettre à exécution. Un jour, cette maison s'écroula subitement. Dans la suite, Lilinfu rencontra en plein jour un démon qui se saisit de lui et le garrotta. Aussitôt son sang s'échappa par les sept ouvertures de son corps, et il mourut subitement. Après sa mort, son gendre dénonça ses crimes. On l'accabla d'imprécations, on le dépouilla de sa dignité, on ouvrit son cercueil, on mit en pièces son cadavre, et l'on ravagea sa maison. Quelque temps après, la sixième année du règne de Yan Song, en 812, la foudre tua, dans l'arrondissement de Yicheu, une femme enceinte, sur le ventre de laquelle étaient écrits ces mots en caractère rouge, Lilinfu et Ouchin, enfant posthume de Lilinfu. Plus tard, sous la dynastie des Song, dans les années Ning, 2068 à 1078, le tonnerre tua, à Ancheu, une jeune fille qui portait sur son corps les mots suivants, parce que Lilinfu fut un ministre pervers, et qu'il aimait à nuire secrètement aux hommes de bien, je suis condamné à faire le métier de prostituée pendant trois générations. À la septième génération je deviendrai une génisse. Après avoir été une génisse, je subirai, de siècle en siècle, une multitude de transformations, et à la fin je tomberai pour toujours dans la classe des monstres des eaux. L'un qui avait nui secrètement à Yan Qingqing. Dans la suite, il fut banni et mourut dans une contrée lointaine. Un jour, Zhang Kuai nuisit en secret à Yofei. Le ciel le priva de postérité. Tous ces hommes sont les plus coupables de ce que l'histoire cite comme ayant nui secrètement à leurs semblables. Il y en a encore d'autres qui nuisent secrètement aux hommes. Mais le ciel punit doublement ceux qui emploient des moyens cachés pour faire du mal aux gens de bien. Mépriser en secret son prince et ses parents. Commentaire. Le mot vous deux veut dire mépriser. Le mot qiu trois désigne l'empereur. Le mot tsin quatre parents s'applique ici à nos pères et mères. L'empereur et nos parents méritent au plus haut degré notre respect et notre vénération. Les uns leur obéissent en public et se révoltent secrètement contre eux. Il en est d'autres qui les calomnient en arrière. C'est le plus grand des crimes. Histoire. Van Shiku vivait sous la dynastie des Han. Quand l'empereur lui envoyait chez lui des mets de sa table, il ne manquait jamais de mettre ses habits de cérémonie, et n'en faisait usage qu'après s'être prosterné jusqu'à terre. On eût dit qu'il était en présence de l'empereur. Il n'était point de ces hommes qui méprisent secrètement leur souverain. Quand Couty recevait en voyage une lettre de son père, il avait coutume de la saluer et de se mettre à genoux pour la lire. À chaque phrase qu'il lisait, il faisait une réponse respectueuse. Ce n'était pas un homme qui méprisait secrètement ses pères et mères. Il est aisé de juger combien sont coupables ceux qui méprisent en secret leur prince et le parent. Sous le règne de Hing Song, de la dynastie des Ming, Wang Yongqin, de Hing Cheu, était lié d'amitié avec Yu Lin. L'un se rendit célèbre par la piété filiale et le respect qu'il montrait envers ses parents. Le dernier soir de l'année Kangwu, Yongqin, après avoir jeûné, était allé passer la nuit dans le temple de Wenchangging Kong. Quand il se fut couché, il eut un songe et entendit le dieu Tsetong Tikiu monter dans une salle supérieure. Il se leva et sortit pour le voir. Il aperçut une troupe d'esprits qui tenait un registre et le déposèrent devant une colonne. Yongqin ayant demandé furtivement quel était ce registre, on lui répondit que c'était la liste des licenciés qu'on portait au dieu pour qu'il la signât. Il demanda si son nom et celui de son ami Yu Lin s'y trouvaient. On lui répondit que non. Mais, soudain, le dieu parcourut la liste et confirma par sa signature la nomination de la plupart des candidats. Quelques-uns furent privés de cette faveur. Les esprits s'étant retirés, le dieu fit appeler devant lui Wang Yongqin. Je vous ai fait venir, lui dit-il, à cause de votre droiture et de votre sincérité. Votre nom avait été porté sur la liste des licenciés, mais lorsque vous apercevez la statue de Fo, vous le priez afin d'obtenir des succès littéraires et vivre avec votre épouse Yangxi jusqu'à la vieillesse la plus avancée. Cependant vous oubliez votre mère dans son veuvage, et vous ne prononcez jamais son nom dans les prières que vous adressez au dieu. Pour cette raison, votre nom ne sera inscrit qu'au 53e rang sur la liste des licenciés. Yongqin demanda quel était le sort de son ami Yu Lin. Le dieu examina la liste. Yu Lin, lui dit-il, devait obtenir le grade de licencié, mais parce qu'en servant ses parents, il commet souvent l'action appelée faux-fei, pour l'en punir je l'ai mis hors de concours. Yongqin ayant demandé au dieu ce qu'on entendait par l'expression faux-fei, il lui répondit. Quand les parents de Yu Lin disent ou font quelque chose, il les blâme au fond de son cœur, et ne leur obéit qu'avec effort et avec contrainte. La sincérité de son naturel s'efface de jour en jour, et elle est remplacée par la fausseté et la dissimulation. Il traite son père et sa mère comme des étrangers. Cette conduite excite au plus haut point la colère des dieux. Tâchez à l'avenir d'observer sévèrement votre conduite. Voilà deux hommes qui méprisaient en secret leurs parents. Tous ceux qui mettent leur intérêt particulier au-dessus du bien public ne peuvent faire connaître leurs sentiments au prince. Ils méprisent secrètement leur prince. Tous ceux qui nourrissent leur père et mère et n'ont que les vins dehors de l'amour et du respect ne peuvent leur faire connaître les sentiments qui les animent. Ils méprisent secrètement leurs parents. Or, ceux qui méprisent secrètement leur prince et le parent finissent toujours par leur désobéir en public. Manquer de respect à ses professeurs. Commentaire. Le mot man, hein, signifie manquer de respect à quelqu'un. L'expression xianxing désigne ceux qui dirigent nos études littéraires, et en général toutes les personnes qui sont chargées de notre éducation. Nous devons avoir, pour notre précepteur, le même degré de respect que pour notre père et notre mère. C'est par ces leçons que nous acquérons de l'instruction que nous devenons des hommes. Si nous lui manquons de respect, nous commettons le même crime que ceux qui offensent leurs supérieurs. Histoire. Un homme de Luchao, nommé Tilin King, avait été, dans sa jeunesse, le disciple de Yuan Shu. Celui-ci voulut lever des troupes pour défendre le souverain légitime et châtier un chef de rebelles nommé Xiao Tao Ching. Ce projet ayant transpiré, Yuan Shu fut mis à mort par Tao Ching. Yuan Shu avait laissé un fils âgé de 10 ans. Sa nourrice le prit dans ses bras et se réfugia chez Tilin King. Celui-ci, loin de protéger le jeune enfant, le prit et alla le dénoncer à Tao Ching, qui le fit massacrer. La nourrice passait les jours à pleurer et à invoquer contre lui la vengeance du ciel. Bientôt après, Tilin King vit ce même enfant entrer dans sa maison, monter sur un dog qui l'étrangla ainsi que toute sa famille. On voit par là que, pour punir Tilin King de n'avoir pas voulu sauver la vie au fils de son professeur, le ciel le fit périr et extermina toute sa famille. Sous la dynastie des Ming, vivait Yuan Lu, qui avait la charge de Cao Sema. Quand il demeurait chez lui, il ne manquait jamais, en passant devant la porte de son professeur, de descendre de sa chaise à porteur, et de marcher à pied. Puisque Yuan Lu se conduisait ainsi dans un âge avancé, à l'égard de son ancien maître, on peut dire avec vérité qu'il n'était point du nombre de ceux qui manquent de respect à le professeur. Remarquons on lit dans le Liqi, si un homme a 10 ans de plus que vous, servez-le comme un frère aîné. S'il a le double de votre âge, servez-le comme un père. En général, on peut donner le nom de Xian Xing à tous ceux qui sont plus âgés que nous. Nous ne devons jamais leur manquer de respect. Se révolter contre ceux que l'on sert. Commentaire. Le mot pan hein, veut dire résister, se révolter contre quelqu'un. Par exemple, se révolter contre son maître. L'expression saucée désigne les maîtres que l'on sert. Par exemple, un magistrat sert son prince, un capitaine sert le général en chef, les domestiques servent leur maître. Voilà les personnes qu'il faut servir. Si vous vous révoltez contre elles, vous manquez de la manière la plus grave aux devoirs qui vous sont imposés. Vous ne pourrez échapper au malheur qu'attire une conduite aussi coupable. Je n'ai pas besoin de dire que, depuis l'Antiquité, ceux qui se sont révoltés contre leur maître en ont tous été punis. Histoire sur la fin de la dynastie des Yuan, un homme de Tongkuan, nommé Wang Qing, se mit à la tête d'un parti d'insurgés. Hou Qin leva des troupes pour arrêter ses progrès. Il promit aux soldats rangés sous ses ordres qu'il donnerait 10 000 onces d'argent à celui qui lui amènerait Wang Qing lié et garrotté. Alors, un esclave de Wang Qing lia son maître et vint l'amener à Hou Qin. Celui-ci lui accorda la récompense promise. Il ordonna de placer sur un char une chaudière remplie d'eau bouillante. Ensuite il y fit jeter l'esclave qui avait trahi son maître. Des hommes furent chargés de promener le char aux yeux de la multitude, en criant « Homme du siècle, n'imitez pas ce serviteur qui a amené son maître lié et garrotté, voilà le châtiment qu'il s'est attiré par sa trahison. » Tout le peuple reconnut qu'il avait mérité ce supplice. On peut juger par là des peines qui sont réservées aux autres personnes qui se révoltent contre leur maître. Profiter de l'ignorance des hommes pour les tromper par des paroles mensongères. Commentaire. Si vous trompez les hommes à leur insu, vous allumez contre vous la colère des dieux. On lit dans l'ouvrage intitulé Ling Yan King, celui qui trompe les ignorants, celui qui se plaît à égarer la multitude, tombera après sa mort dans l'enfer et y souffrira éternellement. Histoire. Autrefois, Pétain rencontra un homme extraordinaire qui lui communiqua une recette pour guérir les furoncles. Cette méthode opérait des cures merveilleuses. Un jour, un courrier du gouvernement lui témoigna le désir de connaître cette recette, afin de la répandre en tous lieux pour le soulagement de ses semblables. Il offrit 10 onces d'argent à Tsin. Celui-ci lui donna une fausse recette qui n'eut aucun succès. Dans la suite, Pétain fut dévoré par un tigre. Il laissa sur la route un petit sac qui fut ramassé par le courrier dont nous venons de parler. Il contenait la véritable recette pour guérir les furoncles. Cet exemple peut servir de leçon à tous ceux qui trompent les autres par des paroles mensongères. Calomnier ses condisciples. Commentaire. Le mot pang, hein, veut dire calomnier, inventer des actions honteuses, pour flétrir les autres et causer leur perte. L'expression tongyo désigne les amis, les camarades qui étudient avec nous. Nous devons aimer nos compagnons d'études comme s'ils étaient nos frères. Nous devons en toute occasion les soutenir et les défendre. Si au contraire nous leur imputons injustement des actions honteuses, nous détruisons la réputation dont ils jouissaient. Par là nous perdons la bonté de notre cœur, et nous étouffons tout sentiment de justice. Un châtiment rigoureux ne manque jamais de fondre sur nous. Histoire. Sous la dynastie des Song, vivait un étudiant nommé Su Tachang, qui s'était rendu célèbre par son habileté à expliquer le Yiking. Étant allé au concours de province, pour obtenir le grade de licencié, il rêva qu'il avait obtenu le 11e rang. Il raconta par hasard son rêve à un de ses condisciples, qui rédigea une accusation, et le dénonça à l'inspecteur général, en disant que Su Tachang s'entendait avec l'examinateur, qu'il avait placé le 11e sur la liste. L'inspecteur général communiqua à l'examinateur l'accusation qui lui avait été adressée. Celui-ci ne put s'empêcher de placer toutes les compositions par-dessus celles de l'étudiant dénoncé. Mais quand on décacheta le coin de la composition qui avait obtenu le 1er rang, pour connaître le nom de celui qui l'avait écrite, on reconnut que c'était Su Tachang. La copie placée derrière toutes les autres se trouva être précisément celle de son condisciple qu'il avait dénoncé. On voit par cet exemple que ceux qui portent envie à l'avancement des autres nuisent au contraire à leur propre avancement. Le châtiment du ciel les atteint avec une justesse qui tient du prodige. Cet exemple doit servir de leçon à toute espèce de calomniateur. Inventer des choses fausses, employer l'artifice et la fraude. Commentaire. Le mot yu, hein, veut dire ici citer une chose vide, qui manque de fondement, de réalité. Le mot vu, de, signifie donner pour vrai ce qui est faux. Le mot cha, 3, signifie employer la ruse, l'artifice pour perdre les hommes. Le mauvais, 4, signifie contrefaire, falsifier une chose pour tromper sur sa nature ou sa qualité. Ces 4 mots annoncent l'absence de toute sincérité. Si l'homme agit dans de telles dispositions, il ne peut manquer de faire une mauvaise fin. Histoire. Il y avait à Yangfu un homme nommé Xie Futuan, qui excellait dans l'art de rédiger des accusations. Il inventait des faits qu'on trouvait, et, à l'aide d'un style spécieux, il donnait à l'injustice et au mensonge une apparence de justice et de vérité. Il acquit par ce moyen une fortune considérable. Un jour il pria un Taoïste d'offrir pour lui un sacrifice. Celui-ci ayant récité les prières prescrites, se leva et lui dit Kedra Tin, le maître du ciel, a décidé que votre maison sera abandonnée au génie du feu et votre corps au génie de l'eau. Bientôt après, sa maison devint la proie d'un incendie. Un jour que Siefu traversait le fleuve Qiang, le mât de son bateau se brisa au milieu du trajet, et il fut englouti dans les flots. Quelque temps après, son fils fut assassiné par des voleurs. Il y avait à Yangche un homme qui faisait le métier de revendre des bœufs. Il achetait de vieux bœufs à vil prix, leur arrachait les dents pour tromper les laboureurs et les faisait passer pour des jeunes. Dans l'année Imao 1615, du règne de Wanli, il fut frappé de la foudre au pied du mont Kinshan et perdit toutes ses dents. Il avait encore conservé la faculté de parler. Un prêtre de Hefo le fit monter sur un bateau et le ramena dans sa maison. Cet homme raconta ainsi la cause de son malheur. J'avais coutume, dit-il, d'acheter de vieux bœufs que je faisais passer faussement pour des jeunes, afin de tromper les laboureurs. Mais tout à coup, je me suis attiré la colère du ciel. À ces mots, il expira. Voilà comment le ciel punit ceux qui inventent des choses fausses et qui emploient l'artifice et la fraude. Lo Shan disait, Kedra Tin, voulez-vous connaître quels sont les hommes qui sont réduits, après leur mort, à la condition de démons infamés? Ce sont ceux qui inventent souvent des choses fausses et disent rarement la vérité. Ces hommes qui n'aiment que le mensonge et la fraude sont détestés dans ce monde comme dans l'autre. Divulguèrent les faunes de ses parents. Commentaire. Quand un homme a commis une mauvaise action qui n'est pas encore connue, si on la met au jour avec intention, pour révéler son déshonneur, cela s'appelle conquier. On entend par l'expression Zongtsin, les parents qui ont les mêmes aïeux que nous. Les parents proches ou éloignés qui appartiennent à cette classe sont, les uns comme les autres, des branches qui descendent du même chef de famille. Si par hasard un d'entre eux commet une faute ou fait une mauvaise action, vous devez employer tous vos efforts pour voiler sa conduite. Si au contraire vous voulez absolument mettre ses fautes au jour, lorsqu'elles sont encore ignorées du public, afin de ternir sa réputation, vous déshonorez en même temps vos propres aïeux. C'est leur manquer de respect et de piété filiale. Histoire dans les années Qiatsing, 2522 à 1567. Liu Muantan ne manquait jamais, le premier jour de chaque mois, de rassembler ses parents et de leur offrir une collation. Il avait coutume de dire: quand les parents ne vivent pas en bonne harmonie, c'est qu'on a rompu les liens d'affection qui les unissaient. Si je vous réunis aujourd'hui, ce n'est point uniquement pour vous offrir un repas. Je désire que ceux qui ont de bonnes qualités exhortent les autres à les imiter, et que ceux qui ont commis des fautes apprennent à s'en corriger. Si par hasard quelques parents avaient eu une querelle ensemble, ou avaient conçu de l'animosité les uns contre les autres, ils s'empressaient de faire la paix en buvant gaiement à la même table. Ces réunions produisirent les plus heureux effets. L'homme que nous venons de citer savait faire régner l'harmonie et la concorde entre ses parents. Mais maintenant les hommes du siècle regardent leurs parents comme des étrangers. S'invite-t-il à un repas? C'est pour blesser par le parole, la justice et l'humanité, ils vont jusqu'à révéler mutuellement leurs fautes. Ils montrent par là qu'ils ont complètement dépouillé les sentiments qui sont la base de leur devoir. Être dur, violent et inhumain. Commentaire. Ce passage s'adresse à ceux qui s'abandonnent à la violence de leur caractère. Kang, 1, signifie dur. Yang, 2, veut dire violent, brutal. La dureté et la violence excluent toute espèce de douceur et d'affabilité. L'expression Poujain veut dire inhumain, barbare. C'est être entièrement dépouillé de ces sentiments tendres et affectueux que nous devons avoir pour nos semblables. Un tel homme ne fera jamais une seule action vertueuse. Il ne peut manquer de tomber dans le malheur. Les anciens disaient, les hommes violents ne meurent point de leur mort naturelle. Ceux qui aiment à vaincre finissent par rencontrer des ennemis plus forts qu'eux. Il faut donc nous mettre en garde contre ces défauts. Histoire. Un général de la province du Fo-Qian, nommé Qian, venait de faire fabriquer un sabre dont le tranchant était très acéré. Il alla faire sa prière dans le temple du mont Lishan. « Je désirerais, dit-il, trancher moi-même avec ce sabre, les têtes de 1000 hommes. » La nuit suivante, il vit en songe le dieu, qui lui dit « L'homme ne doit point faire de souhaits cruels. Pour te montrer ma protection, je te préserverai de mourir de la main d'un autre homme. » Quelque temps après, il se coupa lui-même la gorge avec son propre sabre. Wang Tan et Wang Tao étaient allés ensemble chez un homme nommé Wang Kai. Celui-ci ordonna à une jeune fille, qui était d'une beauté accomplie, de les exciter à boire, la menaçant de la faire mourir sur le champ, si elle n'y réussissait pas. Elle présenta d'abord le vin à Wang Tao. Celui-ci était peu accoutumé à boire, mais craignant que Wang Kai n'en punît la jeune fille, il fit effort sur lui-même pour vider la coupe. Quand ce fut le tour de Wang Tan, il refusa exprès le vin qu'elle lui présentait. La jeune fille changea de couleur et devint pâle d'effroi. Wang Tan ne fit pas même semblant de s'en apercevoir. Wang Tao s'en retourna et dit en soupirant, « Tirekedratin, mon frère aîné, a le cœur dur et cruel. Il n'aura pas une bonne mort. » Quelque temps après, Wang Tan quitta la vie. On brisa son cercueil, et son cadavre fut mis en pièces. Voilà comment le ciel punit les hommes qui sont durs, violents et inhumains. Satisfaire ses caprices avec une méchanceté opiniâtre. Commentaire. Ceci s'adresse à ceux qui s'abandonnent à leur mauvais naturel. Les Mwenli expriment l'opiniâtreté du cœur jointe à la méchanceté, c'est manquer tout à fait de douceur et de condescendance pour les autres. L'expression Tsuyong veut dire suivre sa fantaisie, ses idées particulières, ne point écouter les avis des autres. En général, un homme qui écoute volontiers les remontrances ou les exhortations qu'on lui adresse, se réjouit d'entendre un bon avis. S'il convient de faire une chose, il la fait. S'il ne convient pas de la faire, il s'en abstient. Jamais il ne commet de faute, et par conséquent il ne lui arrive aucun malheur.